Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, nous sommes le samedi 18 avril, il est midi, vous écoutez Radio Campus, tout confiné que vous êtes, en espérant que vous allez bien d'ailleurs de notre part. Vous pouvez donc écouter Angle d'Attaque, une émission proposée par Attaque Métropole, Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Angle d'Attaque d'aujourd'hui a été réalisé hier, chacun chez soi. Et pour vous servir, Florent, qui a suivi la formation de Radio Campus et qui a permis cet exercice de l'émission Asbarak, comme on dit, Quentin a ajouté ses compétences techniques et Ludovic et Christian, aujourd'hui, vont faire comme d'habitude, c'est-à-dire vont poser des questions et vont essayer d'y répondre. Pas d'invité aujourd'hui donc, nous sommes donc bien quatre pour faire vivre ce numéro d'Angle d'Attaque. René, malheureusement, ne sera pas là, il a été trahi par sa technique et son matériel, et Didier a passé son tour. Ça, c'est au passage, chers amis auditeurs et auditrices, que nous allons tous bien. De quoi parlons-nous en ces temps de confinement ? Eh bien, de confinement. Le confinement, c'est une période bizarre dont on en sait assez aujourd'hui pour qu'on n'ait aucune envie de la revivre demain, tant nous sommes, nous, pauvres humains, des êtres sociaux, sociables, communicants et tout et tout. Comment en est-on arrivé là, dans une société aussi bien pensée, aussi bien organisée, aussi bien rangée, où les riches sont de plus en plus riches, où les classes moyennes s'appauvrissent et où les pauvres sont guettés par la misère. À croire que les néolibéraux, qui nous gouvernent depuis 30 ou 50 ans, de droite ou de gauche d'ailleurs, n'avaient pas prévu un coup pareil en dépit des signaux qui ont été envoyés en temps et en heure. Il y avait peut-être d'autres urgences que la santé sans doute. Mais alors. À quoi ça sert de se dire tout au long du mois de janvier « bonne année, bonne santé » et surtout la santé, hein, Jacqueline ? Et d'abord, c'est ça qui compte. Voilà. Ce gouvernement n'écoute pas les Français. Ludovic, tu vas nous parler un peu du Covid-19 et de son histoire. En fait, il y a eu un Covid-18. Alors, il n'y a pas eu de Covid-18, mais il y a eu un Covid-1, le SARS-CoV-1, qui a sévi en 2003 en Chine. C'est d'ailleurs de la Chine qui est venu donc le Covid-19, la maladie du Covid-19, dont le virus est le SARS-CoV-2, si on veut être précis. C'était le 30 janvier, il y a moins de 3 mois, autant dire un autre temps, comme effacé par la violence de la pandémie du Covid-19. Ce jour-là, l'OMS, déjà critiquée par sa lenteur et sa complaisance envers le régime chinois, décidait de déclarer, je cite, « l'urgence de santé publique de portée internationale ». Et c'est ce même 30 janvier donc, que le pouvoir exécutif français, tout entier concentré sur la bataille parlementaire qui s'engage sur le projet de réforme des retraites, rappelez-vous, Macron et Philippe font face depuis 2 mois effectivement à une mobilisation sociale inédite et à un rejet massif de cette réforme. Président et Premier ministre n'entendent rien céder et consacrent même à cette réforme la quasi-totalité de leur agenda. Édouard Philippe, rappelez-vous, se préparait à rajouter à cette charge sa propre campagne municipale au Havre. Donc l'idée de mon intervention, c'est peut-être de retracer un peu la chronologie, justement, pour faire un peu le procès qui va nous mener en procès de ce pouvoir en impréparation sur cette crise. Et donc, rappeler quelques dates clés. Donc, tout a commencé en Chine, le 17 novembre 2019, sur un marché de la ville de Wuhan, où une personne infectée par un virus inconnu donc, apparaît. Et donc, le 7 novembre, donc ces cas sont, comme vous savez, sont cachés par les autorités locales et régionales. Et ça n'est que fin décembre que la Chine officiellement donc, décide d'informer l'OMS de cas de pneumonie grave et d'origine inconnue donc, à Wuhan, donc ville de 11 millions d'habitants. Le 7 janvier, donc, le virus est séquencé donc, par les chercheurs chinois. Et donc, il s'agit d'un coronavirus baptisé 2019-nCoV, puis SARS-CoV-2. Le coronavirus provoque la maladie donc, du Covid-19, comme je disais, 19 parce qu'il est apparu en 2019. Le 11 janvier, Agnès Buzyn, en France, assurera dans Le Monde, le 17 mars, avoir envoyé un message à Emmanuel Macron ce jour-là, sans préciser comment, du reste, par quelle procédure, avec quelle réponse ou non. Voilà, Donc évidemment, Emmanuel Macron a manifestement le 11 janvier n'avait pas compris ce que lui disait sa ministre de la Santé. Le 21 janvier, la ministre de la Santé, donc Agnès Buzyn, toujours elle, lors d'un point presse, juge, je cite, « Le risque d'introduction en France est faible, mais ne peut pas être exclu, d'autant qu'il y a des lignes aériennes directes avec Wuhan. » Elle rajoute, je cite, « Notre système de santé est bien préparé, professionnels et établissements de santé ont été informés. » Le 22 janvier, réunion du comité d'urgence de l'OMS, lequel dit qu'il y a une urgence de la situation et que le risque de pandémie n'est pas exclu. Le 23 janvier, donc la Chine décide donc de confiner la ville de Wuhan. Le 24 janvier, trois premiers cas sont recensés en France. Ce sont les premiers en Europe. Il s'agit d'un Français d'origine chinoise et deux touristes chinois ayant séjourné à Wuhan. Ce jour-là, donc le 24 janvier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, je cite, dit cette phrase, « Le risque d'importation depuis Wuhan était modéré. Il est maintenant pratiquement nul, puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de propagation dans la population française sont très faibles. » Voilà, voilà ce qu'elle dit donc le 24 janvier. Le 25 janvier, donc, la région entière de Hubei, donc, dans laquelle se trouve Wuhan, est placée en quarantaine. Le 26 janvier, donc, toujours la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, fait l'annonce suivante. « Nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'épidémie. Ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auraient besoin. » Voilà. Bon, ça fait effectivement sourire. Le 30 janvier, l'OMS déclare l'urgence de santé publique de portée internationale. Cette déclaration n'est pas due à ce qui se passe en Chine, mais à ce qui se passe dans les autres pays. Commente le directeur général de l'OMS, notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans les pays dont les systèmes de santé sont les plus faibles. Le 30 janvier, c'est également la date à laquelle l'Italie va suspendre ses vols avec la Chine. Et le 30 janvier, donc, c'est... une cellule de crise au ministère de la Santé qui se met en place. Le 1er février, donc c'est 5 pays de l'espace Schengen, soit tout sauf la France, qui suspendent les visas avec la Chine. Donc tous les pays de l'espace Schengen suspendent les visas avec la Chine, sauf la France. Ça, il faut le rappeler. Alors, le 8 février, donc 5 nouveaux cas d'infection sont détectés donc, en France. En Haute-Savoie. Voilà ce que dit Agnès Buzyn. Le cas initial nous a été signalé hier soir. Il s'agit d'un ressortissant britannique de retour de Singapour. Il avait séjourné du 20 au 23 janvier. Et de préciser, l'ensemble des cas positifs et les contacts de ce ressortissant britannique, tous de nationalité britannique, ont été hospitalisés cette nuit dans trois hôpitaux. Les autorités retracent donc les contacts étroits de ces personnes. Le 9 février, on apprend que l'épidémie a fait désormais 811 morts en Chine, donc devenant ainsi plus meurtrière que celle du SRAS en 2002-2003. Le 12 février, l'Académie nationale française de pharmacie sonne l'alarme et rappelle que 80% des principes actifs pharmaceutiques utilisés en Europe sont fabriqués en grande partie en Asie, notamment en Chine. Je cite le communiqué de l'Académie, donc le 12 février 2020, « La preuve est faite une nouvelle fois que du fait de la multiplicité des maillons de la chaîne de production, il suffit d'une catastrophe naturelle ou sanitaire, d'un événement géopolitique, d'un accident industriel pour entraîner des ruptures d'approvisionnement pouvant induire à priver les patients de leur traitement, assurent les académiciens. » Et je cite donc toujours un autre académicien, « Il faut relocaliser la production d'urgence de nos matières premières pharmaceutiques. » Je continue. Donc, le 16 février, Agnès Buzyn démissionne du ministère de la Santé pour prendre la tête de la liste LREM à Paris, pour être maire de Paris, donc elle est remplacée par Olivier Véran. Donc ça, c'était le 16 février. Donc on est en pleine crise et on change les ministres de la Santé. Donc déjà, encore une fois, un signe vraiment d'amateurisme. Le 18 février, Olivier Véran, donc le nouveau ministre de la Santé, sur France Inter, annonce la chose suivante. « La France est prête car nous avons un système de santé extrêmement solide. » Ça, c'était le 18 février. Le 22 février, le directeur général de l'OMS avertit que la fenêtre d'opportunité pour contenir l'épidémie se rétrécit. En clair, il est plus qu'urgent d'agir. Le 26 février, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, que maintenant tout le monde connaît, hein, qui est auditionné par la commission des affaires sociales du Sénat, sur les tests, il répond, les tests ont été disponibles très rapidement grâce à l'Institut Pasteur. Plus de 1000 tests ont été réalisés. Il faut freiner la diffusion en isolant les malades. Sur les masques, nous avons débloqué les stocks stratégiques et passé en urgence une commande de masques protecteurs à destination des professionnels de santé. Il n'y a donc pas de pénurie à redouter, ce n'est pas un sujet. Voilà ce que dit Jérôme Salomon, donc personnage quand même central dans cette affaire, le 26 février. Le 26 février, c'est également le match Lyon-Turin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un match de football entre Lyon et Turin. Il y avait un débat à l'époque et le gouvernement français a décidé de le maintenir. 3 000 supporters venus d'Italie donc sont arrivés à Lyon et on peut penser qu'effectivement, il y a pu y avoir des épidémies, des contaminations qui ont pu se faire à la faveur de ce match. Le 27 février, donc Olivier Véran, à nouveau interrogé sur les pénuries de masques, de tests et de gel, dit ceci, nous sommes depuis des semaines dans l'anticipation, nous avons et nous garderons un temps d'avance. Le 28 février, nouveau rapport de l'OMS qui renouvelle l'alarme internationale. L'OMS rappelle les États à agir vite et insiste. Il faut, je cite, adopter une approche englobant l'ensemble du gouvernement et l'ensemble de la société. Ce n'est pas un travail pour le seul ministère de la Santé. Le 4 mars, donc l'Italie compte 3 100 cas d'infection et décide de la fermeture de ses écoles. À l'époque, le 4 mars, c'est également la déclaration de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui sur France Inter dit la chose suivante, on ne fermera pas toutes les écoles de France, et elle ajoute, si nous basculons dans le stade 3, à savoir une épidémie qui circule dans tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie de la France. Le pays compte alors plus de 200 cas identifiés de la Covid-19. Le 6 mars, Emmanuel Macron et son épouse se montrent au théâtre. Je cite le président de la République, en goguette donc, si on prend des mesures qui sont très contraignantes, ce n'est pas tenable dans la durée. Et l'intéressé de rajouter, il faut se départir de bon sens et plaide pour des mesures proportionnées. Et je cite toujours l'intéressé, la vie continue, il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. La pièce, par le bout du nez, met en scène un psychiatre, pour la petite anecdote, et un président de la République victime de démangeaisons du nez juste avant son discours d'investiture. Le même jour, les pharmacies reçoivent l'autorisation de fabriquer du gel hydroalcoolique, la pénurie se généralisant. Plusieurs alertes avaient été lancées dès le début février. Le 9 mars, rassemblement de plus de 1 000 personnes interdits en France, donc le gouvernement prend conscience déjà de la menace. Le 10 mars, c'est la création d'un conseil scientifique donc chargé de conseiller le président de la République. Le 11 mars, l'OMS déclare officiellement l'état de pandémie. Je cite, nous sommes très inquiets par les niveaux de diffusion et de dangerosité, ainsi que par les niveaux alarmants de l'inaction de la communauté internationale. Olivier Véran, le 11 mars, dira ceci, les enfants ne constituent pas un public fragile, il ne faut donc pas avoir peur de les envoyer à l'école. Le ministre de la Santé donc, annonce également l'interdiction de toutes les visites dans les EHPAD. Le 12 mars, donc, juste après la déclaration de Véran, Jean-Michel Blanquer, donc, ministre de l'Éducation, dit ceci sur France Inter, nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale des écoles. Le soir, intervention du président de la République qui annonce la fermeture des écoles. Emmanuel Macron annonce également le maintien du premier tour de l'élection municipale. Les scientifiques réagissent violemment, considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français... Enfin, les scientifiques, pardon, excusez-moi. La plupart des scientifiques, manifestement, considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Du moins, c'est ce que dit Macron. Et effectivement, l'avis du Conseil scientifique du 12 mars précise que cette décision éminemment politique ne pouvait lui incomber. Le 14 mars, donc c'est la veille de la premier tour des élections municipales, intervention du Premier ministre Édouard Philippe qui annonce la fermeture de tous les lieux de regroupement non indispensables. Cafés, restaurants, cinémas, discothèques et les magasins alimentaires, eux, restent ouverts. Donc on est vraiment à la veille des élections, premier tour des élections municipales. Donc on ferme d'un côté les cafés, mais on enjoint les citoyens à venir donc. À venir donc voter donc le 15 mars. Donc le 15 mars, premier tour des élections municipales, 21 millions d'électeurs se déplacent pour participer au vote. des médecins, des élus, des présidents de région ont demandé depuis plusieurs jours l'annulation du scrutin. Des photos de marché des parcs parisiens bondés circulent sur les réseaux sociaux, assorties du mot dièse irresponsable. Alors, je continue, le 16 mars, donc l'OMS insiste sur un message simple, tester, tester. Ce que la France ne fait pas, donc que la France ne fait toujours pas. Et donc, le 17 mars, donc, c'est l'entrée en vigueur du confinement en France, donc, qui avait été annoncé la veille par le président de la République. Alors, je continue rapidement. Donc, oui, je pense le 20 mars, Macron, donc 5 jours après le confinement, je félicite ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise une fois qu'elle a eu lieu, les propos qu'il a tenus. On a des déclarations de Jean-Paul Hamon, qui est le président de la Fédération des médecins de France, qui le 22 mars, donc 7 jours après le confinement, dit la chose suivante, l'imprévoyance du gouvernement et de l'administration française a été totale, et les autorités auront des comptes à rendre. Voilà ce que dit Jean-Paul Hamon, donc ce n'est pas un médecin, donc... Donc voilà, déjà voilà, quelques éléments voilà, de chronologique peut-être pour permettre à nos auditeurs de s'y retrouver. Est-ce que oui, Florent, tu voulais. Christian, Quentin, oui, réagir. Oui, ça, il y a aussi la date qu'on retiendra le 29 février 2020, donc où il y a eu une réunion ministérielle du gouvernement. Qui devait en fait discuter du coronavirus, du Covid, alors, des décisions à prendre. C'était le 30 février. Servi, 29 février, oui. 29. Qui sont servis le 29, excuse-moi. Du prétexte de cette réunion pour passer le 49.3, pour adopter la réforme des retraites sans discussion au Parlement. Alors qu'ils auraient pu, s'ils avaient, enfin, on peut toujours reprocher après avoir eu connaissance de ce qui allait se passer, mais bon, au vu des déclarations de l'OMS qui avaient lieu les jours d'avant, ils auraient pu très bien prendre des mesures quand même un petit peu plus fortes et plus rapides ce jour-là que de le faire plus tard. Christian. Oui, enfin, de toute façon, cette date du 29 février est vraiment symbolique d'un mode de gouvernement qui privilégie d'abord l'économie au détriment de la santé. On va le voir très vite hein, dans ce qu'on a prévu de dire. Mais on est vraiment dans cette situation-là. Et puis, ça va continuer quand même un certain temps. Moi, je me souviens, la première intervention de Le Maire à propos de la crise, c'est de dire « ça va nous coûter cher ». La question se pose autrement, évidemment. Je me permets d'embrayer, parce que tu as parlé justement des économies au détriment de la santé. Moi, je voulais revenir sur l'histoire de l'absence de masques, de médicaments et la délocalisation de ces deux productions. Faut s'imaginer que nos gouvernants, qui sont pour la plupart néolibéraux, et ce depuis quelques années, on va pas seulement incriminer notre gouvernement actuel, il y a quand même une gestion comptable, pour le moins, de la santé depuis de nombreuses années. Mais ça semble quand même fou. Ça semble quand même fou de se dire qu'en France, on n'a plus une seule usine capable de sortir des masques de protection en quantité, ou que certains médicaments ne peuvent pas être produits en France ou dans les pays proches. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que si on a cette logique comptable, si on a cette habitude d'économiste, on va partir du principe qu'on est flemmard. C'est-à-dire que la moindre dépense inutile doit être évitée. Et dès qu'on trouve dans un produit, dans un service ou dans quoi que ce soit, un excès ou un gaspillage, il faut l'éliminer, il faut le rationaliser. C'est une logique qui est adoptée en industrie depuis déjà très longtemps, notamment dans l'automobile, mais ça a diffusé derrière à l'aéronautique, au pharmaceutique et à beaucoup d'autres domaines. Et la logique est telle que, effectivement, on pourrait avoir une usine qui produit, par exemple, des masques en France, pour être sûr d'avoir une production de masques. Mais le comptable va revenir vous voir et va vous dire « Ah oui, mais attendez, cette usine de masques, elle a besoin de tissus, elle a besoin d'élastiques, elle a besoin de fournitures qu'on ne peut pas faire en France, parce que il faudrait l'usine d'élastique, l'usine de ou l'usine qui permet de traiter le coton pour le transformer en tissu, ou les tissus, ou de produire les tissus synthétiques, et ça, on ne l'a pas en France. » Donc du coup, on va aller regarder dans le détail, de dire bon bah, où est-ce que cette usine pourrait se fournir, à quel prix elle pourrait se fournir, dans quelle quantité elle pourrait se fournir, et à chaque fois, le comptable va à chaque ligne voir une dépense qui est un gaspillage, parce que comme vous n'avez pas une gigantesque usine comme on peut l'avoir en Chine, vous n'allez pas acheter des volumes gigantesques, donc vous n'allez pas réussir à avoir le meilleur prix du marché pour votre tissu, le meilleur prix du marché pour vos élastiques, et encore une fois, c'est un gaspillage. Et du coup, cette logique comptable fait que, même si ça nous semble d'une logique limpide de dire « il nous faut des usines pour des biens et services vitaux à l'intérieur du pays », ils vont vous répliquer que c'est un gaspillage et ils vont multiplier ce gaspillage par toutes les étapes de la fabrication du produit. Du coup, quelque chose de très simple que habituellement on produit en France pourra toujours être produit en France, mais quelque chose de plus complexe qui est lié à l'association de différents éléments, il va vous falloir travailler d'autant plus pour argumenter le fait qu'il soit continué d'être fait en France. Donc, ça explique, selon cette logique comptable un peu bizarre, qu'on se retrouve aujourd'hui à ne plus avoir de production à la fois de certains médicaments, mais à la fois d'éléments de protection de base dans le pays. Christian. Quelle complexité ! Un bout de coton et deux élastiques, effectivement, c'est une complexité qui mérite la globalisation de la production, en effet. Ouais, c'est exactement ça. Ça nous semble tout bête, mais quand on y applique un filtre de entre guillemets de gaspillage économique, si la personne se dit à chaque fois que mon employé lève la main ou que le camion arrive et ramène le coton, je suis en train de perdre de l'argent, il va jamais vouloir aller dans cette direction-là. Eh oui. Effectivement, et ça se pose aussi dans le service public, et notamment par la disparition d'un certain nombre de lits, Ludovic, il me semble. Oui, alors effectivement, on parle de 69 000 lits perdus donc en 15 ans. Supprimés de par la volonté des gouvernements successifs. Et ça a commencé très tôt, dès les années 2000, en fait, où on a voulu rationaliser donc, l'hôpital. Et ça s'est accéléré avec la réforme Bachelot, donc la T2A, donc, où il y a eu une tarification à l'acte qui a modifié toute l'organisation de l'hôpital. Et on a estimé qu'effectivement, il fallait que les patients restent le moins possible longtemps à l'hôpital. Et du coup, on a supprimé des lits et on a privilégié les séjours très courts. D'où le fait que l'hôpital est complètement saturé aujourd'hui, du fait de cette impréparation, parce qu'effectivement, on n'a jamais voulu conserver des lits, considérant que ça pouvait... Cour des comptes notamment, il faudrait relire les rapports de la Cour des comptes, ça serait assez cocasse, qui sans doute témoignait sans doute déjà de cette gabegie dont l'hôpital faisait part, et donc effectivement il a fallu qu'on sabre dans les budgets des hôpitaux, et on en voit maintenant les conséquences, hein, chose que n'a pas fait l'Allemagne. On voit d'ailleurs que l'Allemagne a conservé un certain nombre de lits, l'Allemagne a deux fois plus, je crois, de lits en réanimation, et l'Allemagne a quand même manifestement beaucoup moins de morts que nous et semble beaucoup mieux préparé en tout cas que nous. Il y avait aussi les recommandations de l'Union européenne où il y avait, je crois, plus d'une dizaine de fois sur ces dernières années, l'Union européenne qui a incité les pays à baisser leurs dépenses de santé. Oui, et de toute façon, les dépenses de santé sont en diminution dans tous les pays d'Europe, absolument, de façon quasi uniforme, avec un retard par rapport aux autres pays. Je crois qu'il faut renvoyer là-dessus le blog vers le blog de Jean Gadret, qui explique ça parfaitement bien, comme d'habitude d'ailleurs, où il a fait des courbes et où il montre que le nombre de lits a diminué en Allemagne, certes, mais en France et en Italie, en Espagne, etc. Je crois que de mémoire, je crois que le seul pays où ça augmente, c'est en Corée. Peut-être qu'il parlait de l'Europe du Sud, bien sûr. Alors, à confirmer, parce qu'il me semble que justement les dépenses de santé en valeur absolue continuent d'augmenter, mais que le nombre de lits diminue. C'est-à-dire qu'en fait, on a une prestation de l'hôpital qui est plus complète avec des IRM ou des choses comme ça quand on regarde le cadre sur le temps long, sur une vingtaine d'années, mais qu'on a une capacité hospitalière, par contre, qui, elle, est en constante baisse. Oui. Donc en fait, il faudrait encore plus d'investissement dans la santé. Oui, en effet, il faudrait préciser que les lits qui ont disparu sont essentiellement les lits de nuit et qui ont été remplacés très partiellement, on ne couvre pas la différence évidemment, par des lits de jour et ce qu'on appelle la médecine ambulatoire. Par contre, le turnover de nombre de personnes qui utilisent les lits de jour du coup, en médecine ambulatoire est évidemment de plus en plus important. Là aussi, on fait des économies. Sans savoir si c'est tout à fait correct en termes de soins à apporter pour les gens qu'on vire le soir parce qu'il faut les libérer à un lit, quoi. Tout à fait. Mais enfin, pour faire l'avocat du diable, vas-y. on ne peut pas se dire que nos techniques, l'évolution des techniques médicales ne permettent pas justement d'aller plus vite dans les soins, de faire plus à la maison. Et du coup, bah, forcément, si on peut tout faire dans la journée, on a moins besoin de lits de nuit. Oui, en effet, quand même. C'est la comparaison entre la gestion de l'hôpital au jour le jour et l'anticipation d'une crise. En fait, typiquement, si l'hôpital au jour le jour permet de faire plus de médecine ambulatoire et d'hospitaliser les gens pendant une période moins longue, ça ne permet pas, par contre, en temps de crise, qui est la situation qu'on a actuellement, de gérer un afflux massif de patients et une quantité de patients qui demandent des traitements lourds. Sinon, ils risquent de mourir. Typiquement, je crois que c'est 95% dont on a entendu parler de taux d'occupation de lits. Dès qu'il y a le moindre problème, le moindre trou dans la route, on se rend compte que c'est intenable, en fait, ce 95% de taux d'occupation de lit. Ah, tu me fais plaisir, tu me rappelles mes travaux universitaires. Ce n'était pas sur les lits, c'était sur le textile. Et c'était l'utilisation des machines à plein rendement, que toute augmentation de la demande était impossible de satisfaire. En effet. On revient sur la logique du zéro gaspillage, de la rentabilité maximale. Absolument. Oui, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Ludovic, parce qu'il y a des dates absolument... Enfin, c'est effarant la façon dont Agnès Buzyn a traité les choses, quoi. C'est quand même très inquiétant. Il n'y avait pas de risque. Bon, il commence à en avoir, mais on est paré pour les difficultés à venir. Ça, c'est quand même effarant. Moi, je voudrais revenir aussi sur la question des élections municipales. La question a quand même se poser de savoir s'il faut les reporter ou non, parce que ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain nombre de maires qui sont morts du virus depuis les élections. On a maintenu en place un certain nombre de maires parce que pour absence de décision municipale de vote, mais en tout cas, surtout, on a mis en danger les gens pendant toute la journée du 15 mars. Lors donc par dépendage du virus le jour des élections municipales, je trouve ça violent, mais combien juste, quoi. Enfin, je vais citer une anecdote qui vient de ma belle-sœur qui habite un tout petit patelin dans le Cambrésis. Les quatre personnes qui ont dépouillé, 800 habitants, hein, donc il n'y a pas beaucoup de tables de dépouille, non. Les quatre personnes qui ont dépouillé ont tous été atteints du virus, et il y en a une qui est en réanimation. Quoi. Voilà. Donc, on a fait vraiment fi des questions de santé ou de précaution, tout simplement. Il ne s'agit pas de santé, là, il s'agit de précaution. Je me permets, il y a clairement effectivement une question de responsabilité à poser. Est-ce qu'il y a aussi une transparence de la décision du gouvernement? Est-ce que on va prendre des leçons de tout ça et répondre à la question de est-ce que le gouvernement a sciemment pris des mauvaises décisions parce qu'il était correctement informé et qu'il a, en tout état de cause, pris des décisions selon un agenda qui n'est pas celui de la mise en sûreté des personnes, ou est-ce qu'au contraire, certaines institutions sont défaillantes et que le gouvernement n'a pas été correctement informé et qu'il a pris des mauvaises décisions parce qu'il pensait que nous avions une sorte d'immunité ou comment dire une confiance infondée dans le risque et dans notre capacité à y répondre, en fait. Moi, je ne sais pas si les autres peuvent répondre, mais je peux dire un mot. Moi, Oui, si je peux intervenir. Ouais. Par rapport à ce que tu dis, Quentin, le conseil scientifique, le conseiller du prince, qui a été créé, là, comme je l'ai dit, début fin février, le conseil scientifique, le 12 mars, donc, donne un avis le 12 mars, précise que cette décision, posée à la tenue de ces élections. Est-ce que tu peux répéter, Ludovic, il y a eu une coupure. Donc, est-ce qu'il faut incriminer que, voilà, on peut dire que Macron peut dire, moi, je n'ai fait que suivre les recommandations du Conseil scientifique. Donc, c'est pas pour dédouaner Macron lui-même, mais il y a aussi effectivement tout un maillon de la chaîne qu'il faut prendre en compte dans la décision qui a présidé, ce qui nous paraît maintenant ex post complètement délirant, parce qu'il y a eu trois maires apparemment qui sont décédés pour l'instant, mais manifestement le conseil scientifique ne s'y est pas opposé. Alors, peut-être qu'il y a eu des débats en interne, mais en tout cas, moi, publiquement, l'avis que moi ne mentionne pas en tout cas une opposition à la tenue de ces élections. Florent, on ne t'entend pas. Ouais, c'est juste pour ça, pour avertir qu'on peut peut-être passer à la suite, sauf s'il y a d'autres interventions. Oui, une rapide intervention. Je ne sais pas si c'est une mauvaise décision, mais je crois que nos gouvernants sont sur un modèle politique, une idéologie, où ces questions-là ne se posent pas. Et la démonstration que tu as fait, Quentin, sur le lean management, est un peu de cet ordre-là. On avance parce qu'on est dans notre idéologie et on fait de l'économie, on ne fait pas de la santé, on ne peut pas tout faire. Voilà, en gros. Alors, peut-être sur les missiles. Sur les municipales, revenir aussi sur la pression de Larcher, donc le président du Sénat, et qui est à la tête du lobby des maires de France, qui est très puissant, qui a pesé aussi de concert avec Fabius pour que Macron maintienne ses élections. Parce que après, Macron est souverain, il aurait pu. Et je pense qu'il y a eu une pression effectivement assez forte des maires. Pour maintenir ces élections, parce qu'effectivement, il y avait des maires qui avaient tout intérêt, d'un point de vue d'un intérêt bien compris, d'être réélu le premier soir, à la faveur du premier tour. Donc, c'est pas que Macron, je pense que c'est un ensemble d'acteurs qui sont, à mon avis, responsables de ce qui s'est passé en ne voulant pas, en faisant fi de la santé des gens. Quoi. Bref. Voilà. Ouais, du coup, Florent, tu voulais passer, je pense que c'était, les possibilités d'action politique lors du confinement ? Oui, tout à fait. Je voulais rappeler, oui, pendant le confinement, nos libertés sont restreintes. On ne peut plus, comme a dit Ludovic, se rassembler à plus de 1000 personnes depuis le 9 mars. Donc, sans mettre évidemment en cause la nécessité du confinement, la question est comment fait-on pour continuer à exercer notre droit de manifester qui est tant utilisé, qui a été tant utilisé ces derniers mois et voire depuis plus d'un an avec les manifestations régulières des Gilets jaunes. Donc, bien que notre président a fixé la date de fin de confinement le 11 mai, les rassemblements physiques ne vont pas être autorisés tout de suite. Hein. À mon avis, ça va être long avant de pouvoir avoir des manifestations avec des centaines de milliers de personnes. Donc, j'ai vu des vidéos tournées de manifestations de gilets jaunes à Pantin pendant le confinement. Ils respectaient les distances de sécurité l'un l'autre. Pourquoi pas? Mais ce qu'on peut se demander, est-ce que ce n'est pas contre-productif? Car si ce genre de manifestation devient massif pendant le confinement, sont immédiatement dénoncés par le gouvernement, sans doute comme irresponsables, voire criminels. Hein, on peut s'attendre à tout. On voit d'autres choses. Il y a aussi les fenêtres, les entrées d'habitation, les fameux balcons. Hein, l'Italie a lancé donc les applaudissements pour soutenir les soignants. Mais on peut aussi faire des casserolades au balcon pour manifester notre mécontentement face au président. Une casserolade, oui, c'est ça. C'est joli. Ça veut dire taper sur sa casserole, en fait. C'est ça, on tape sur une casserole, oui. Et donc, il y a eu des appels, hein, enfin, il y a toujours des appels à faire ça. Donc, c'est pour ça que des fois, quand vous entendez applaudir, des fois, on entend aussi des casseroles. Bah, ça veut dire qu'on dénonce aussi en même temps que, voilà, c'est bien beau, les soignants font tout ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, mais s'ils sont dans cette situation-là, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de l'incompétence, comme on en a parlé tout à l'heure. J'ai vu aussi à Lille et ailleurs des banderoles accrochées aux fenêtres hein, pour dénoncer le manque des moyens des soignants ou alors le fait de faire passer l'économie devant la santé. Les syndicats, évidemment, continuent à dénoncer les mauvaises conditions de travail pour toutes celles et ceux qui ne peuvent pas travailler de chez soi. On rappelle également la bataille avec Amazon qui est loin d'être terminée, je pense. Attaque avec d'autres associations, des syndicats dont la CGT, Solidaire, donc ont lancé un appel, une pétition, plus jamais ça, dont Christian parlera tout à l'heure. Je voulais parler aussi de l'initiative de François Ruffin, que j'ai pas mal suivi, qui s'intitule « On arrête tout, on réfléchit, et c'est Patrice », donc c'est l'an 01. Comme vous avez reconnu de la BD et du film ensuite de GB, hein, l'an 01. Donc, Ruffin a lancé une plateforme l'an01.org depuis le début du confinement. Donc, le principe, c'est aujourd'hui, on est bien obligé d'arrêter. Donc, autant réfléchir pour que demain soit moins triste. François Ruffin et son équipe, et donc la plateforme l'an01.org, fait du coup ce qu'il sait faire de mieux, recueillir des témoignages des gens qui sont sur le terrain. Il souhaite qu'on n'oublie pas également, noter tout ce qui nous indigne, révolte, pour tout balancer à la gueule de ceux qui nous gouvernent, quand ils feront en sorte de faire comme avant, à coup de com, pour faire oublier leur incompétence. Donc important de tout noter pour pouvoir s'en rappeler et leur montrer « voilà ce que vous avez dit, voilà ce que vous avez fait ». Et puis François Ruffin dans son émission a aussi une interview, donc le On réfléchit, donc c'est l'invité, un intellectuel hein, qui fait le point sur la situation, sur différents sujets selon leur spécialité hein. Il y a eu Paul Jourion, Romanique Godin, deux personnes qu'on a invitées hein, Dominique Bourg et j'en passe, c'est souvent très intéressant. Donc son émission se fait en direct sur YouTube dans sa cuisine et donc a lieu régulièrement, vous pouvez donc le retrouver. Côté médias, là-bas si j'y suis, sur internet depuis maintenant pas mal de temps, a toujours son répondeur hein, pour laisser des messages au 01 85 08 37 37, donc d'autres moyens de faire remonter des messages. Mediapart hein, toujours son émission qui est donc en accès libre intitulée À l'air libre hein, qui est aussi très intéressante à suivre. Le Média qui continue à faire d'excellents articles et d'émissions sur lemedia.fr. Côté réseaux sociaux, je peux donner quelques pistes hein, sur Facebook, hein, qui a une page Printemps Noir, l'après-Covid-19, pour préparer différentes mobilisations. On peut aussi retrouver des affiches hein, que vous pourrez imprimer et vous tenir au courant des différentes mobilisations après confinement. Donc, sur une page Facebook rennaise, refusons le retour à la normale. Donc, je pense que tout cela, il va falloir continuer maintenant, pendant le confinement, après, rien lâcher, dénoncer par tous les moyens possibles, préparer l'après pour pas qu'il ne soit comme avant, c'est-à-dire dans un bon sens écologique et local. Ne rien laisser passer sous prétexte qu'on doit être tous unis contre le virus. Ou alors, quand ils vont sans doute nous faire après, réunir pour pouvoir résoudre la crise économique à venir, l'immense dette, tout ça, ils vont pas hésiter à nous faire culpabiliser là-dessus. Donc, ne nous laissons pas intimider par un État aussi qui continue, il faut le rappeler, à utiliser sa police de manière assez coercitive, surtout dans les populations les plus pauvres, dans les quartiers, etc. C'est là qu'ils se concentrent, c'est là qu'ils continuent à faire des contrôles très musclés. Je ne pense pas que c'est la police qui va nous sauver de cette crise. C'est bien les soignants, les travailleurs des secteurs essentiels, les camionneurs, etc., qui font tenir le pays aujourd'hui. Alors, le 1er mai pour bientôt, il faut profiter de ce jour symbole de la contestation politique, aussi le symbole des avancées des droits des travailleurs et travailleuses depuis un siècle et demi, et donc amplifier toutes ces initiatives. Oui, je peux ajouter quelque chose. Oui. L'ère du confinement, tu l'as déjà dit, ATTAC intervient, il a prévu des kits pour déposer aux fenêtres, donc vous trouvez ça sur le site d'ATTAC. Et puis il y a surtout les vidéos d'ATTAC du mardi et du jeudi qui ont commencé très tôt le 24 mars. Et c'est généralement c'est très intéressant, c'est en accès libre sur le site d'ATTAC. Hier soir, c'était... crise sanitaire, non c'est pas ça, c'était la semaine passée, crise sanitaire en Espagne et en Italie. Alors là on a un bel exemple de convergence du néolibéralisme dans les deux pays voisins et amis d'ailleurs. Hier soir c'était la fiscalité. La fiscalité avec c'était fait avec le CCFD et à l'initiative d'ATTAC et des économistes atterrés, excusez-moi. Donc avec Laura Beinder du CCFD, Vincent Drezet de Solidaire Finance Publique, de Romaric Godin de Média, qui est intervenu à Mediapart, et de Raphaël Prado, qui est un des porte-parole d'ATTAC. Voilà, je voulais dire ça parce que c'est vraiment très précieux, c'est petit, c'est en direct, ça dure une heure, du 18h à 19h, le mardi et le jeudi soir. Prochaine émission, je le dis quand même, les enjeux scolaires, mardi prochain, donc voilà. Peut-être sur les rassemblements, il y a un lieu où on peut se rassembler en France, c'est l'église traditionnaliste Saint-Nicolas du Chardonnay, vous savez. Vous savez ce qui s'est passé entre samedi et dimanche, il y a eu un rassemblement de quelques dizaines de fidèles catholiques intégristes dans cette église, et manifestement, ils n'ont absolument pas été inquiétés par la police. D'ailleurs, le préfet de la police parisienne, un certain Lallemand, leur a dit de ne pas intervenir, et donc je me disais que peut-être qu'il y avait, pour le 1er mai, peut-être qu'on pourrait organiser un rassemblement dans cette église, non ? Bon, au moins on est sûr de pouvoir ne pas être inquiété par la police. On va passer donc à une pause musicale. Thérèse ! C'est le confinage ! Les gamins vont rappliquer. Hein ? Avec les copains copines ? vivent en ville parce qu'ils disent que c'est plus moderne. Limite qu'on serait des imbéciles de préférer de vivre à la ferme. Mais là, avec le confinage, les blaires à dîner par chez nous, plutôt qu'être prisonniers en cage, ils trouvent la campagne à leur goût. Thérèse, combien qu'on va être en tout? Ah, quand même! Depuis maintenant 8 jours que ça dure, faut pas dire que ça s'est mal passé. À part qu'à table, il faut bien sûr ne pas se servir en dernier. Pour faire plaisir le premier jour, Thérèse a fait un coco vin. Une fois que le plat a eu fait le tour, mais restait la sauce sans le pain, avec gros de chambon. Thérèse, le prochain coup, faudra qu'on en cabosse deux. Pas des gamins, des copes. Depuis maintenant 8 jours que ça dure, faut pas dire que ça s'est mal passé. Par la télévision, bien sûr, notre série qu'on peut plus regarder. On essaie de trouver ensemble un programme qui convient à tous. Comme tous les gamins, eux, s'entendent, ben nous, avec Thérèse, on se couche. Thérèse, faudra qu'on écrive à FR3. S'ils pouvaient pas mettre la série le matin. Non, pourquoi pas. Depuis maintenant 8 jours que ça dure, faut pas dire que ça s'est mal passé. À part pour la toilette, bien sûr, quand le soir il faut se lessiver. Pendant que je me tape la vaisselle, les gamins vont tous se doucher. Dernier savonne que l'essentiel, je ne perds pas de temps sous l'eau glacée. Ça rigote. Thérèse, faudra qu'on agrandisse le chauffe-eau. On va appeler le plombier. Et ben, quand il pourra. Depuis maintenant 8 jours que ça dure, faut pas dire que ça s'est mal passé. À part la fosse septique, bien sûr, que tous les jours il faut vider. Manquerait plus que revienne la gastro, parce que là on serait très mal. Déjà qu'il y a pénurie de rouleaux, moi je me suis remis au journal. Ça grappe. Thérèse, les nouvelles ça va pas suffire. Faut qu'on s'abonne au même. Oui bah, ou à l'ouest, je m'en fous moi. Peu importe. Depuis maintenant 8 jours que ça dure, faut pas dire que ça s'est mal passé. Mais j'aimerais bien qu'on me rassure, que ça dure pas une éternité. C'est pas qu'on aime pas nos gamins, au contraire même si ça bouscule. Mais c'est qu'on voit plus les copains, y'a pas la casule fascicule. Thérèse, t'es sûr qu'il y a pas la casule fascicule? Non. Bah, on peut pas la rajouter. Non plus. Depuis maintenant 8 jours que ça dure, faut pas dire que ça s'est mal passé. Donc, vous venez d'entendre Pablo, le confinement. Donc, ça a retrouvé sur YouTube. Voilà, on reprend peut-être avec les nouvelles, quelques communiqués d'actualité. Chaque semaine, le CHU de Lille organise une conférence de presse à distance avec les différents journaux locaux. Et celle qui a été publiée jeudi 16 avril nous annonce que le confinement fonctionne et qu'on commence à avoir une stabilisation du nombre de patients en soins intensifs, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui démontre l'efficacité du confinement et son importance, qu'il faut continuer à appliquer, mais ce qui permet à l'hôpital de ne pas être totalement saturé et de pouvoir commencer à réfléchir à la prise en charge des patients qui ont besoin d'hospitalisation et qui ne peuvent pas être hospitalisés en ce moment. Donc on voit que sur la région lilloise, le CHU arrive à tenir la longueur, malgré les manques de moyens dont on a pu parler précédemment. Et voilà, c'est toujours une bonne nouvelle à rappeler. Et donc, donc je voudrais parler de donc, la Convention citoyenne pour le climat, donc, qui a été lancée il y a un peu plus d'un an par le président suite au mouvement des Gilets jaunes. Donc, c'est composé de citoyens et de citoyennes tirés au sort compris et dont leur âge est compris entre 16 et 80 ans. Alors, l'objectif à la base, c'était proposer un plan pour remédier à la problématique du changement climatique, donc proposer des idées concrètes à mettre en place. Et ils ont profité, donc ils n'avaient pas tout terminé, mais ils ont profité à leur initiative pour rédiger une contribution liée à notre crise actuelle. Donc je lis donc quelques phrases qu'ils ont de cette contribution-là que vous pouvez retrouver en ligne. Donc, nous souhaitons que la sortie de crise qui s'organise sous l'impulsion des pouvoirs publics ne soit pas réalisée au détriment du climat, de l'humain et de la biodiversité. Nous voulons que la stratégie de sortie de crise nous prépare à l'avenir, c'est-à-dire un modèle économique et sociétal différent, plus humain, plus résilient face aux futures crises, qu'elles soient sanitaires ou autres. Nous demandons que les financements mobilisés dans le cadre de la sortie de crise soient socialement acceptables, fléchés vers des solutions vertes et que les investissements se concentrent dans des secteurs d'avenir respectueux du climat. Nous avons conscience que cette transformation de notre modèle ne peut s'instaurer uniquement à l'échelle nationale. La reconfiguration des relations internationales doit se faire dans un esprit de justice sociale et doit favoriser une régulation de la mondialisation en faveur du climat. Voilà une petite pointe peut-être d'optimiste à suivre. Entendu, merci Florent et puis merci Quentin pour ces deux choses un peu plus positives que ce que nous avons pu dire. Moi, je vais vous parler de la pétition d'attaque qui est partie et qui est à 146 pétitionnaires. Là, pour l'instant, on espère les 200 000. C'est une pétition qui s'adresse à tous ceux qui partagent le constat dressé d'urgence sociale et écologique et qui en ont assez des discours creux. Il s'agit de se mobiliser pour le jour d'après. Notre pétition d'attaque, qui est rejointe par 15 autres signataires, 15 autres organisations, s'appelle « Plus jamais ça ». Et que demande « Plus jamais ça » Ben, l'arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l'épidémie, des réquisitions des établissements médicaux privés. Et ça m'a surpris dès le début, aussi entre parenthèses. Comment se fait-il que, même à leur demande, on n'a pas convoqué le privé pour travailler avec le public dans ce domaine? Le troisième point, c'est la suspension immédiate des versements pour les entreprises des dividendes. Le CAC 40, tu en as parlé, Florent, ils s'en battent un peu des recommandations de Le Maire, apparemment. Lire le canard enchaîné. Et ensuite, la décision de ne pas utiliser les 750 milliards de la BCE pour alimenter les marchés financiers, mais uniquement pour financer les besoins sociaux et écologiques des populations. Donc, les 750 milliards, c'est à diviser entre 27 pays, je vous le rappelle quand même. Donc, il s'agit ensuite de passer à la relance. Donc, cette pétition insiste pour qu'il y ait un plan de relance de tous les services publics, une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur les transactions financières, on est à attaque ou on n'est pas, et une véritable lutte contre l'évasion fiscale. Alors là, c'était précisément l'émission d'hier, de jeudi, pardon, donc hier pour nous, mais c'était jeudi soir, je vous recommande de la regarder, parce que là, il y a quand même des choses fort intéressantes qui ont été dites. Et le troisième point, c'est un plan de réorientation et de relocalisation solidaire de l'agriculture, de l'industrie et des services pour les rendre plus justes socialement en mesure de satisfaire les besoins essentiels des populations de répondre à la crise écologique. Donc il s'agit de nous mobiliser dès maintenant et de nous donner rendez-vous le jour d'après, on va dire comme ça, pour réinvestir les lieux publics, pour reconstruire ensemble un futur qui soit plus correspond qui correspondent plus à nos attentes, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à de l'écologie quand même, l'écologie du social et aussi de la démocratie. On en a bien besoin après ces temps de liberté, de libéralisme plutôt. Je dis quand même les associations parce que pour ceux qui nous écoutent, il y a certainement des gens de ces associations-là. Donc je les cite, c'est Action non violente, Alternatiba, les Amis de la Terre France, Attaque France évidemment, le CCFD Terre Solidaire, la Confédération Paysanne, la CGT, la Convergence Nationale des Services Publics, la Fédération Syndicale Unitaire, la FSU donc, la Fondation Copernic, Greenpeace France, Oxfam France, Reclaim France et Union Syndicale Solidaire et bien entendu 350.org qui inspire beaucoup de nos réflexions sur ce temps-là, sur ce thème-là. Voilà, la pétition a été lancée le 27 mars. Voilà, j'ai 200 000 signatures visées et mercredi, il y avait 113 156 participants à cet appel. Voilà. Ben, merci Christian. Ben, on peut conclure hein, et Christian rappeler notre prochaine émission. Oui, absolument. Donc au mois de mai, on va essayer de poursuivre cette émission. On va essayer de réfléchir sur les aspects économiques qu'on a relativement peu traités aujourd'hui, mais qui sont fort importants puisque on sait que l'endettement va augmenter, bien entendu. Le gouvernement met 110 milliards sur la table. On va parler de stratégie post-crise. Ça me semble intéressant à partir d'un écrit du travail qu'a fait Naomi Klein et tout ce qui va correspondre à la suite. On espérera être déconfiné vraiment la prochaine émission. Donc, la prochaine émission, donc le 16 mai, verra quelle situation on fera cette prochaine émission. Un mot pour finir, vraiment, si j'ai encore un peu de temps, je remercie à Marcel, à Seb et à Nadia qui ont coordonné le projet de faire une émission à Sbarak. Ben merci, bon après-midi à tous et à bientôt. Bon après-midi. Ed ho trovato l'invasore. O partigiano, portami via. O bella ciao, ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E so io muoio, bella ciao, da partigiano, bella ciao, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, bella ciao, so io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellì. E Che seppellire la sua in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sua in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutti quelli che passeranno,